Ah, Ambroisie, t'es là. Ah, Ambroisie, t'es là. Ah, Ambroisie, t'es là. Ah, Ambroisie, t'es là. Ambroisie, t'es là. C'est son nom. Ambroise, il t'est là. Comme le Nutella. Ah, Ambroisie, t'es là. Décidément. Bref. Ramène-toi, le nouveau arrive aujourd'hui. Décidément. Décidément. Bref. Ramène-toi, le nouveau arrive aujourd'hui. Tu te sens de lui faire le tour du journal seul? J'ai eu une réunion avec le con. Tu te sens de lui faire le tour du journal seul? J'ai une réunion. Non, j'ai une réu, réu. J'ai une réu avec le comptable qui vient de se caler. J'ai une réu avec le comptable qui vient de se caler. Tu te sens de lui faire le tour du journal seul? J'ai une réunion avec le. Quoi, je dis réunion, moi? Je suis trop professionnel, tu vois. J'ai une réu qui vient de se caler avec le comptable, tu vois. Le money counter. Tu te sens de lui faire le tour du journal seul? Parce que moi, j'ai une réu qui vient de se. Tu te sens de lui faire le tour du journal seul? Parce que moi, j'ai une réu qui vient de se libérer avec le comptable. J'ai une réu avec le comptable qui vient de se caler. J'espère que ça allait. Bah, t'es un peu la seule qui arrive à t'y retrouver dans tout ce foutoir, quoi. Bah, t'es un peu la seule qui arrive à y. Bah, t'es un peu la seule qui arrive à s'y. Il fait y arriver un mot à chaque fois. Bah, t'es un peu la seule à t'y retrouver dans ce foutoir. Bah, t'es un peu la seule à t'y retrouver dans ce foutoir. Ah, t'as pu remonter de 30 ans. Ah, t'as pu remonter que de 30 ans pour l'instant? Ouch! T'as pu remonter que de 30 ans pour l'instant? Ah, oh, ok. T'as vraiment pu remonter que de 30 ans pour l'instant? J'ai oublié de changer les trucs. Ouais, de même. De même. De même. De même. De même. Mais oui. Il n'y en a pas un, il y en a deux même. Évidemment. Bienvenue dans l'équipe. Moi, je fais caca par terre. Désolé. Et je ne peux pas vous recevoir dans. Voilà, ouais, j'allais dire, je peux pas vous recevoir. Bienvenue dans l'équipe. Ouais, je peux pas vous recevoir dans l'équipe, par contre, désolé. Je peux pas vous recevoir tout de suite pour l'instant, désolé. Parce que. Monsieur Aberline. Parce que. Parce que voilà. Parce que j'ai pas envie, vous êtes. Vous ne m'inspirez pas confiance. Je ne peux vous recevoir de suite, hélas, monsieur Aberline, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre archiviste. J'y étais presque. Je ne peux vous recevoir de suite, hélas, monsieur. Je ne peux vous recevoir de suite, hélas, monsieur Aberline, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre archiviste adoré. Je ne peux pas vous recevoir de suite, hélas, monsieur Aberline, mais je vous laisse entre les mains expertes de notre archiviste adoré. Écoutez, j'adore l'argent. Non, mais pas que. Ouais, oui, mais pas que. Je reviens vers vous dans la journée. À tout à l'heure. Oui, mais pas que. Pardon, je reviens. Pardon, je n'arrive plus à parler. Oui, mais pas que. Pas que. Je reviens vers vous dans la journée. À tout à l'heure. Je reviens vers vous dans la journée. À tout à l'heure. Salut les pélos. C'est vrai que c'est étrange comme histoire. Tu dis que t'as trouvé ça où ? C'est vrai que c'est étrange comme histoire. Tu dis que t'as trouvé ça où ? Tu dis que t'as trouvé ça où ? C'est vrai que c'est étrange comme histoire. Tu dis que t'as trouvé ça où ? Témoin. Explosion de la résidence Mortes. Disparition de la veuve Thiago Mortes et sa fille. Pas de corps retrouvé. Le repose. On appelle un témoin. Exposition de la résidence Mortes. Disparition de la veuve Mortes. Non, de la vieux. Disparition de la veuve Thiago Mortes et de sa fille. Pas de corps retrouvé. Ok, c'est intriguant, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? C'était il y a quasiment 30 ans. Ok, c'est intriguant, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? C'était il y a 4 ans. Ok, c'est intriguant, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? C'était il y a quasiment 30 ans. C'était il y a quasiment 30 ans. Gaston, hein. J'avais lu Gaston Agneau. Je sais pas pourquoi. C'est lui le seigneur des agneaux. Gaston Angot. Ça me dit quelque chose, ouais, attends. Ça me dit quelque chose, oui. Attends. Gaston Angot. Ça me dit quelque chose, oui. Attends. Ça me dit quelque chose, oui. Attends. Gaston Angot. Gaston Angot. Voilà. Je savais qu'on avait numérisé quelques trucs. Employé du mois 15 fois de suite. Ah non, je croyais que je parlais de moi. On a numérisé des trucs parce que j'étais employé du mois, tu vois. Voilà. Je savais qu'on avait numérisé... Voilà, je savais qu'on avait numérique. Il faut que je buve. Que je me sustente. Surtout que... J'arrête d'avoir la langue qui se colle au palais. Voilà, je savais qu'on avait numérisé quelques trucs. Voilà, je savais qu'on avait... Ça marche pas. Voilà, je savais qu'on avait... C'est pas possible. Ben voilà, je savais. Je le savais qu'on avait numérisé quelques trucs. Ah ben voilà, je savais qu'on avait numérisé des trucs. C'était le calque qui me bloquait en fait. Voilà, je savais qu'on avait numérisé des trucs. Employé du mois 15 fois de suite, des augmentations régulières, c'était un bon... Employé du moins 15 fois de suite, des augmentations régulières, des augmentations... Putain. Faut que j'arrête de prendre des rôles, je sais pas articuler, c'est horrible. Faut vraiment que j'arrête. Ça sera mon dernier rôle. Des augmentations régulières, c'était un bon. Je crois que mon père vantait ses mérites en... Je crois que son père, c'était mon père. Et en fait, c'était moi depuis le début. Je crois que mon père vantait ses mérites souvent en rentrant à la maison quand j'étais petit. Le journal se vendait super bien dès qu'il écrivait un article. Je crois que mon père vantait ses mérites souvent en rentrant à la maison. Il me semble que mon père vantait ses mérites quand... Il me semble que mon père en parlait souvent quand il rentrait à la maison quand j'étais petit. Il me semble que mon père en... Je crois que mon père vantait ses mérites souvent en rentrant à la maison quand j'étais petit. Le journal se vendait super bien dès qu'il écrivait un article. Il fait deux, je sais pas si c'est vraiment bien. Ah, mais je suis presque sûr que. Attends. Ah, mais je suis presque sûr qu'il y a eu une édition du journal en sa mémoire, hein. Mon père l'a ultra mal vécu. Mon père l'avait vraiment mal vécu. Mon père l'avait mal vécu. Ah, mais je suis presque sûr qu'il y a eu une. Ah, mais je suis presque sûr qu'il y a eu une édition du journal en sa mémoire. Mon père l'avait vraiment mal mécu. Mécu. Mes énormes culs. Mon père l'avait vraiment mal vécu. Mais pourquoi vraiment? Mon père l'avait mal vécu. Puis, le journal a commencé à péricliter, il a commencé à être vendu au plus offrant, et bah, la suite, tu le connais, quoi. Puis, le journal a commencé à péricliter. Puis, le journal a commencé à péricliter, il a commencé à être vendu au plus offrant. Mais il n'a pas commencé. Sinon, ça fait deux fois commencer. Puis, le journal a commencé à péricliter, on a essayé de le vendre au plus offrant, et la suite, tu le connais. Et la suite, tu la connais. Et la suite, tu la connais. Faudra fouiller, mais il me semble que y a... Faudra fouiller, mais il me semble qu'il y a eu une enquête sur sa mort qui a rien donné. Faudra fouiller, mais il me semble qu'il y a eu une enquête sur sa mort qui a rien donné. Je sais pas ce que je fais. Je suppose que ça fait partie des risques du métier quand t'es un genre de détective journaliste. Je suppose que ça fait partie des risques du métier quand t'es un genre de détective journaliste. Je suppose que ça fait partie des risques du métier quand t'es une sorte de détective journaliste. Ambroisie? Non. Laisse tomber. Ambroisie? Non. Laisse tomber. Ambroisie, non. Laisse tomber. Ambroisie, non. Laisse tomber. Écoute, j'aime bien quand les choses me turlupinent, mais là. Ce qui me turlupine, c'est que mon artifice. Ce qui me turlupine, c'est que mon archiviste veuille perdre du temps à résoudre une affaire vieille de 30 ans, alors que mes gars se démènent du matin au soir pour faire marcher la boîte. Ce qui me turlupine, c'est que mon archiviste veuille perdre du temps à résoudre une affaire vieille de 30 ans, alors que mes gars se démènent du matin au soir pour faire marcher la boîte. Ce qui me turlupine, c'est que mon archiviste veuille perdre du temps à résoudre une affaire vieille de 30 ans, alors que mes gars se démènent du matin au soir pour faire marcher la boîte. C'est vrai, mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Juste, tu es archiviste ici, pas journaliste. Parlons-en à Raph, à la limite. Il est pas mauvais quand il s'agit de vieux trucs. Ça pourra lui remplir une de ses chroniques en plus. C'est pas ce que j'ai dit. Juste, tu es archiviste ici, pas journaliste. Parlons-en à Raph, à la limite. Il est pas mauvais quand il s'agit de vieux trucs. Ça pourra lui remplir une de ses chroniques en plus. Bon. Bon. Sur ce, Alex, Ambroisie, je vais fermer ma gueule. Pas du tout ce qui est écrit. Bon. Sur ce, Alex, Ambroisie, je vais fermer la boutique dans 1 heure. Je vous laisse récupérer vos affaires et rentrer chez vous. N'oubliez pas votre carnet de correspondance. Et vous le faites signer pour demain. Alex, désolé pour ce dernier jour. Non, désolé pour ce dernier jour. Eh oui, c'était le premier et le dernier. Ça m'apprendra à dire des bêtises au milieu. Bon, sur ce, Ambroisie, je vais fermer. J'ai oublié Alex. Écoute, tu viens d'arriver, c'est normal que je t'oublie. Je connais même pas ton prénom. Tu t'appelles comment? Kevin? De toute façon, c'est une chance sur deux que tu t'appelles Kevin. D'ailleurs, je vais t'appeler Kevin à partir de maintenant. Bon, sur ce, Kevin, Ambroisie, je vais fermer la boutique dans 1 heure. Je vous laisse récupérer vos affaires et rentrer chez vous. Kevin, désolé pour ce premier jour un peu chaotique. On parlera demain si tu veux. C'est qui, Alex? Bon, sur ce, Alex, Ambroisie, je vais fermer boutique dans 1 heure. Je vous laisse récupérer vos affaires et rentrer chez vous. Alex, désolé pour ce premier jour un peu chaotique. On parlera demain si tu veux. Alex, désolé pour ce premier jour un peu chaotique. On parlera demain si tu veux. Pas de problème. Si tu dis qu'il n'y a pas de problème, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, ça va, 16 minutes. Désolé.